tous les médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, avec une rediff à 19h et une autre le jeudi à 8h du mat. Aujourd'hui au programme, eh bien, du live, vous le savez, on est toujours dans notre marathon festival, un mois autour des concerts et des lives, le Radio Audio Live Festival, juin, toi à la transe. Et on aura le plaisir, en tout cas pour moi, de clore cette session dans l'univers des musiques électroniques avec BDL en mix sous peu et en discussion juste avant. Mais on commence par un rituel, celui du coup de cœur de la semaine. Et je suis assez content de vous présenter un disque d'une rappeuse allemande, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on entend du hip-hop allemand en France. Elle s'appelle Haïti, H-A-I-Y-T-I, et sort un tout nouvel album qui s'intitule King's Zagon King. Ça sort sur le label One Little at the Corner. Ça fait 10 ans qu'elle rappe en Allemagne, qu'elle est très connue là-bas, totalement inconnue par ici. Voici un morceau extrait de cet album hyper bien produit, qui oscille entre du rap boom-bap, du rap plus moderne, des moments un peu plus R&B-sant, avec des prods plus électroniques, un disque assez riche et varié. Je vous propose le morceau Cheap Glock avec Kenga en featuring sur le 895. Cheap Glock, Glock est là, halt was geht da, schwarz mag die la, Waffen schieber, Kuhbleiben, Flucht, warte, matt, black, prima, Petrollträger, yeah. Cheap Glock, Glock ist da, halt was geht da, schwarz mag die la, Waffen schieber, Kuhbleiben, Flucht, warte, matt, black, prima, Petrollträger, yeah. Cheap Glock, pull up mit nem Drug Dealer, du kriegst wieder Glock in der Hand, Kaliber, Lock auf wieder, hab den Finger hot wie Fieber, Sniper, Janina, Drop Top mit dem Mob, das ist Hamburg, Digga. Dieses Jahr Bega, Bundesliga, über Skiller, mach deine Stadt platt, Godzilla. Du disst mich wie ein Ob, hab die Hand am Trigger. Doch ich geb nicht mal nen Fuck auf ne Bitch wie Giga auf nem anderen Level. Jeder, der mich disst, kriegt nen Clip, keine Donnerwelle. Wer der Boss ist, come on, ich bin lange schon Legende. Du bist der Shit, alright, zeig mal deinen Spot, die Hände. Komm mal wieder down, Mann, bevor ich dein Run beende. Komm oder renn oder guck, wie ich Venues book. Guck, wie ich flieg in die Top 100. Guck, wie ich dich kill, auch wenn du mich nicht besonders juckst. Keine Gnade für niemand, Cheap Glock. Glockkiller, halt was geht da. Schwarzmarktdealer, Waffenschieber. Cool bleiben, Flucht, warte, matt, black, prima. Petrollträger, yeah. Cheap Glock, Glockkiller, halt was geht da. Schwarzmarktdealer, Waffenschieber. Cool bleiben, Flucht, warte, matt, black, prima. Petrollträger, yeah. Cheap Glock. Them know some love kill evil, a brawling, me good day, me kill all the later. You fuck with the wrong people. Now a Wednesday grave digging a cape. Who love road, them can't go astray. Who not get shallow grave, sure if you get a raid. People dead, when that chip like a bait. Who a pick up badness, nobody want do it. Every day we drive by and kill them off. I wanna day we catch everything dead off. Me killer them not hear more the chip clock. When your face get mismatched, fire halopine coppers a mixture. Them know so evil, love kill evil. It plays hot, I'm a killer, them a do it. Glock killer, hot bass skater. Schwarzmarktdealer, Waffenschieber. Kuhbleib, Flucht, warte, matt, black, prima. Petrollträger, yeah. Cheap Glock, Glock killer, hot bass skater. Schwarzmarktdealer, Waffenschieber. Kuhbleib, Flucht, warte, matt, black, prima. Petrollträger, yeah. Cheap Glock. Bienvenue sur Radio Dioval. Salut. Auditeur, auditrice, on va donc se régaler d'un mix de BDL dans Plus Fort J'entends Rien et sur le 895 de Dio. Et avant de laisser la place aux machines, une petite présentation, discussion en toute simplicité. Je te propose. Ouais, c'est ça, tranquillement. Tranquillement, avec du soleil dans les studios. Bon, on va commencer par le début, moi, je dirais, tiens, demander, c'est est-ce que tu te souviens un petit peu de ton premier souvenir musical, rencontre avec la musique un petit peu dans les jeunes années? Alors, j'ai envie de dire des souvenirs musicaux, j'en ai pas mal. Hein. Forcément. Yves Duteil, j'ai envie de te dire mais si on part de là. C'est ça. Non, mais mon premier, le premier vraiment 45, donc je me rappelle, c'était Funky Town. Et comme je comprenais pas ce qu'elle racontait, je pensais qu'elle disait tarte aux pommes. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le 45 que je passais en boucle, tout en me déguisant devant ma glace quand j'étais gamine, quoi. Et à partir de là, le premier live, par exemple, premier concert, peut-être, qui te vient en tête. Alors moi, est-ce qu'il est aussi disco? Non, pas du tout. En fait, mes parents écoutaient plutôt de la variétoche française. Donc, je crois que le premier concert à laquelle m'a traîné mon père, c'était Jean-Jacques Goldman. Donc, les références musicales. Et puis, je crois que c'était en Charbonny, c'était Bernard Lavilliers, j'ai envie de dire. Premier concert seul toute. Premier concert seul toute, NTM. Et voilà. Tout de suite, on change un petit peu de registre. Hip-hop, disco, ça campe bien le décor un petit peu. Ouais, c'est ça. Et voilà, parce que du coup, à partir de là, j'imagine commencer un petit peu à aimer le groove, on dirait. C'est ça. La rencontre avec les musiques électroniques, elle s'est fait quand, comment ? Alors, elle s'est fait vachement plus tard. Je crois que la personne qui m'a emmené, l'artiste qui m'a emmené aux musiques électroniques, je crois que c'est Vitalik. Ok. Qui restait finalement assez clubbing et assez mainstream pour des gens qui venaient de la free party ou de la techno de Détroit. Mais je crois que c'est lui qui m'a amené à découvrir cette esthétique musicale. Ok, très bien. Et du coup, justement, tu as prononcé les mots fatidiques, Sound System, club, rave party. Comment t'as commencé à danser ? Alors moi, je viens plutôt du clubbing, en fait. La free party, rave, et ces lieux de rencontre musicale et de danse, ça n'a pas été ma culture, immédiatement. C'est un truc que j'ai découvert très tard, en fait, qui m'a bien fait kiffer aussi. Mais j'ai eu plusieurs vies, on va dire. Et c'est tout à ton honneur, quand même. Et du coup, le passage au mix, au Selecta. Alors, encore plus tard, si j'ai bien compris. Bien plus tard, ouais. Hein, ça date de 2017. Donc, je suis une jeune vieille DJ, en fait. C'est un peu ça. En fait, ça a été la rencontre avec Thierry Louison, anciennement d'Andy Freaks, de Sun Factory, et maintenant Rocaiva, qui un jour m'a dit, mais vas-y... lance-toi, quoi. Et il m'a donné cette légitimité-là. Il m'a poussé à le faire, alors que c'était un truc auquel je pensais pas vraiment. Et il m'a porté là-dedans. Et on a commencé à mixer tous les deux. Et voilà, c'est un truc dont je lui serai toujours profondément reconnaissante, parce que c'est quelqu'un d'ultra bienveillant. Et en fait, il m'a ouvert des portes qui font ma joie aujourd'hui, quoi. Et ça, on peut être que reconnaissant de cette rencontre. Et puis il y a eu aussi du coup la rencontre de son binôme Ourson 3000 qui m'a aussi poussé vers la légitimité, vers la musique électronique. Et pareil, voilà, c'est des grands cœurs sur eux, parce que c'est deux personnes incroyables, quoi. On reviendra à ces questions de légitimité à pas mal de niveaux. J'avais juste envie de poser une question avant ça. En tant que passif de public et présent de public aussi et de DJ, c'est quoi ton rapport à la danse, à la fête ? Qu'est-ce qui t'anime et quand tu mixes et quand tu vas danser ? Alors déjà, ce qui m'anime, c'est la fête bienveillante, dans le respect des uns, des unes et des autres. J'ai tellement vu des trucs en étant derrière les platines qui me déplaisaient, qui me choquaient et qui n'étaient pas dans du tout ma conception de l'environnement de la fête, qu'effectivement, du coup, j'ai fondé Giddy Up, une structure qui travaille sur l'égalité des genres dans le spectacle vivant et qui travaille aussi sur la prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc ça, ça m'articulait vraiment. Et puis, dans mon DJing, moi, ce qui me fait avancer, mon moteur, c'est la danse, c'est la rencontre éphémère des gens sur une piste de danse, parce que je trouve que c'est le moment où les différences s'effacent. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, la danse rassemble. Donc mon univers, c'est ça, c'est faire danser les gens, les rendre heureux, le temps d'une traque, ou deux, ou trois, ou quatre. Mais je crois que c'est vraiment mon moteur principal. Ça me rappelle, moi, quand j'entends ça, je pense tout de suite à mon imaginaire, entre guillemets, des teufs anglaises du début de la techno, qui étaient vraiment très, très mixtes. Et c'est vrai qu'en France, il y a quand même pas mal de séparations, pas mal de petites choses qui rendent un peu plus compliquées, avec beaucoup d'évolutions, notamment déjà des vraies séparations entre les tempos, les BPM, les types de musique électronique. Toi, comment tu vis ton rapport à ce spectre un peu large où les gens de la hard tech vont cracher sur la house ou vice versa d'ailleurs? Alors, ça existe, bien sûr. Ça existe, mais j'ai vu aussi des gens sur mes dance floors qui se sont laissés embarquer. Donc je crois qu'en fait, à un moment, c'est une histoire de laisser tomber ses a priori et puis de se laisser taper du pied, quel que soit le son. Moi-même, je vais taper sur du 160, alors que j'aime les rythmiques ultra groovy et j'aime les rythmiques mélodiques aussi. Donc je pense que c'est comme... Ces guerres entre les esthétiques musicales, pour moi, elles n'ont pas lieu d'être. Je crois qu'aujourd'hui, on a d'autres combats à mener que ceci, quoi. Tu parlais de Giddy Up. Comment est-ce que tu t'es finalement... Qu'est-ce que c'est le process qui t'a amené à créer cette structure? Est-ce que tu peux aussi parler un peu plus précisément des différents types d'actions que vous pouvez mener? Ouais, alors on a vraiment deux périmètres. On a un périmètre qui veut... augmenter, mettre à son niveau le plus haut l'égalité, en tout cas sur nos scènes et puis derrière les scènes aussi, parce que ça englobe tout le milieu en fait du spectacle vivant, que ça soit en diffusion ou en interne, que ça soit dans les studios aussi. Comment est-ce qu'on fait pour aller vers de l'égalité de l'égalité, tout simple, de la parité en fait. Quels sont les leviers qu'on peut mettre en place? Moi, ça passe aussi beaucoup par la conscientisation, la sensibilisation, l'éveil, et puis légitimer aussi et donner l'exemple. Parce que quand on est une jeune femme de 15-16 ans, si on voit que des mecs sur scène, on se dit que c'est pas fait pour soi. Le modèle là, du coup. Voilà. Ouais. Et du coup, ça passe aussi par ça et prendre cette légitimité là, souvent dans des ateliers artistiques, que ce soit des ateliers d'écriture comme Paroles de Femmes. Pendant le festival, voilà, musique, ouais. Exact. Qui sont mis en musique avec une productrice musicale qui est assez incroyable, qui est Léa Del Rosso. Et puis, sur lequel on travaille avec Radical Junkie Pop, hein, qui est rappeuse aussi. Donc, ça passe aussi par là. Et ça passe aussi par de la transmission. On a pu faire des ateliers de DJing avec des adolescentes pour aussi leur faire découvrir le DJing créatif. Qu'est-ce que c'est que le DJing? Est-ce que c'est juste appuyer sur un bouton pour envoyer un son, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de créativité là-dedans, puisque le mix créatif, c'est ça. Et du coup, on a été amené à travailler avec des ados de la MJC des Tilleuls, entre autres, sur cette transmission-là. Et puisque le monde est bien fait. Incroyable. Tadam. C'est le moment de présenter notre stagiaire du moment, Myria, en direct. Bonjour. Et il se trouve que oui, du coup, moi aussi, j'avais fait un stage de DJing à la MJC avec toi, Val. Et ouais, c'est drôle, puisque maintenant, je suis en stage à Radio-Yo et tu fais un live. Donc voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'essayer de commencer à mixer un petit peu? Est-ce que la manière dont en parle Val, ça fait écho avec ce que tu as ressenti pendant... C'était une journée de stage, c'est ça? Il y avait eu plusieurs jours, je crois, c'était ouais. Une semaine, et à la fin on avait une représentation. Moi j'avais pas pu faire la représentation, mais j'avais fait la semaine. Et ouais, c'est vrai que moi j'avais déjà un peu un rapport avec les platines parce que bah, le son, tout ça, j'ai toujours un peu gravité dedans. Mon père travaillait à la radio et tout, donc ça m'était familier. Mais le DJing, j'en avais jamais fait, mixer des musiques et tout. Donc c'était hyper chouette. Et surtout, ouais, ce rapport à la femme. Du coup, bah, c'est vrai que moi personnellement, je connaissais. Bon, je connais pas trop de DJ, mais j'en connaissais surtout des hommes, quoi. Donc c'était cool que bah, du coup vous étiez deux femmes. Voilà, on était avec Mougli, Hélène Yassou. Voilà, on était en binôme hein, sur ces ateliers. Et alors, la découverte de la technique du DJing, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boutons, beaucoup de trucs qui carrément clignotent, de vitesse, ouais, d'écran, etc. Ça, c'est quelque chose qui a pu te faire peur. Comment tu... Ouais, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à retenir, surtout. Mais après, elle nous avait bien expliqué. Je crois au début, on avait... Je me rappelle plus exactement, parce que c'était elle il y a est deux, mignonne. Trois ans. On avait surtout fait découverte un peu comment on utilise les platines et tout. Et après, du coup, on avait vraiment commencé à préparer notre set, que du coup, j'avais pas pu faire, mais voilà. Et non, en fait, ça m'était venu assez vite. J'ai assez vite retenu les boutons, globalement, le gain et tout. Qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et du coup, ça t'a donné l'envie, parce que j'ai l'impression depuis que t'es là et te connaissant un petit peu, que t'es pas auditrice de techno particulièrement, c'est pas la trop, musique de pas ton trop quotidien. Après, j'aime bien. Ouais, ouais. J'aime bien, voilà. Ok. Mais ça t'aurait donné envie de mixer tes musiques, par exemple, de réussir à les enchaîner. Carrément, ouais. Carrément, évidemment. Mmh. Ok. Donc voilà, une des actions, par exemple. Transmission. Ouais, carrément, je trouve que c'est important aussi de donner qu'on continue ou qu'on continue pas, ça donne de la légitimité, c'est-à-dire qu'on peut le faire, quoi, qu'à un moment le champ des possibles est ouvert à toutes. Et ça, je crois que c'est déjà la première pièce. Et puis au-delà de ça, ça veut dire qu'aussi bah, on prend de la légitimité dans la vie globalement et de la confiance en soi pour bah, gérer sa vie, qu'elle soit pro, perso, et de se dire que voilà, on est capable de le faire, quoi. T'as pas tant parlé du volet prévention, qui est quand même aussi la partie de l'iceberg où on voit le plus dans ouais, les nuits stéphanoises. Peut-être tu peux ouais, nous raconter un alors, petit peu ça. Ouais, la partie prévention, en fait, cette prévention et cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle s'adresse à la fois à une sensibilisation auprès du public, mais aussi auprès des professionnels et des orgas. Il y a les deux pans, donc effectivement on fait de la formation à ce niveau-là, mais sur les nuits stéphanoises, effectivement la pointe immergée de l'iceberg, c'est de nous voir dans nos stands, marauder, d'accueillir aussi bah, de la parole. Ça c'est super important parce que le milieu festif, je crois, est très propice aux premières libérations de parole pour tout un tas de raisons et qui laisse aussi bah, des personnes qui ont été victimes avec un anonymat qui permet d'aller exprimer des choses. Et nous, notre rôle à ce moment-là, c'est effectivement de recueillir la parole et puis d'orienter après sur des structures professionnelles, d'orienter, d'accompagner, de faire accompagner en cas de dépôt de plainte et d'arriver à gérer ces traumas, parce que la gestion du traumatisme suite à une violence sexiste et sexuelle, bah, elle est fondamentale pour l'avenir, la vie future de la personne. Et on sait que c'est jamais simple, quoi. Avec tous les différents pans que vous brassez dans Giddy Up, et aussi avec, j'imagine, l'espèce d'afflux permanent de gestion un peu du présent, de choses difficiles, etc. Est-ce que vous arrivez quand même à vous dire que vous dégagez des objectifs un petit peu à peut-être atteindre, Inch'Allah, ou en tout cas à viser un petit peu? Un petit peu, hein, j'ai alors dit deux ça, fois. Alors, ça, c'est un petit super peu compliqué comme question. Bah, c'est la dernière. C'est pour ça. Les objectifs sont quand même utopiques. C'est-à-dire que il faut un peu d'utopie dans la vie. Oui, après, on est toujours quand même ramené à la concrétitude de la réalité. Ou quand tu as. Bah, En 2024, t'as le Haut Conseil à l'égalité qui sort son rapport et qui, après toutes les actions qui sont quand même menées depuis 2020 sur ces questions-là, te dit que bah, le sexisme est ultra prégnant, voire en augmentation chez les jeunes entre 18 et 25 ans, les jeunes mecs cis. et ben on est dans ce questionnement-là. Donc, pour moi, on a vraiment du boulot à faire sur la médiation par rapport à ces jeunes personnes, à ces jeunes hommes, qui aussi font une espèce de contre-réaction un peu épidermique à la visibilisation du féminisme, qui est une excellente chose. Mais oui, se déconstruire, mais pourquoi faire ? Quels sont nos repères, puisqu'on n'en a plus ? Et comment on y va, quoi ? Donc c'est hyper compliqué, déjà à cet âge-là, t'es en mode construction, mais là, si t'es obligé de te déconstruire avant même de t'être construit, qu'est-ce qui se passe ? Donc pour moi, ça passe vraiment, et ça passera par cette médiation avec ces mecs cis, jeunes, et puis travailler aussi, même en amont, avec le scolaire. Myria, j'avais envie de te renvoyer un petit peu la parole sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à dire que la jeune génération se saisit de ces questions-là, etc. Et effectivement, on commence à capter que c'est pas forcément tout le monde. Ce que vient de dire Val sur une espèce de différence entre les mecs et les meufs par rapport à cette question, toi, tu le ressens au lycée, par exemple, ou... Bah, je trouve dans les faits qu'il y a plus trop de sexisme que « Ah, parce que t'es un garçon, tu vas, ah, t'es le meilleur de la classe » ou je sais pas. Il n'y a pas vraiment de trucs comme ça au lycée. Après, moi, ce serait plus dans les violences un peu que les garçons, ils se permettent beaucoup plus avec les filles et que les filles se permettent moins du coup avec les garçons. Que ça, je trouve, ça a clairement pas assez évolué et c'est dégradant, quoi. C'est dégueu. Et des remises en question un petit peu du féminisme 2024, tu peux en entendre ? Ouais, carrément. Ouais. Surtout sur les réseaux, un peu, ouais. Ouais, ok. J'avais une petite question aussi pour toi. C'est un peu bilan de stage. Ok. Est-ce que dans ce stage, tu as fait comme beaucoup de techniques, beaucoup d'ordinateurs, de montage, etc. Est-ce que ça t'a traversé en faisant ça, justement, que le rapport à la technique, quand on vient du féminin, comme ça, est-ce que tu y as pensé ou est-ce que ça t'a même pas effleuré l'esprit ? Non, c'est vrai, pas du tout. Après, la plupart des gens autour de moi sont assez ouverts, donc il n'y a jamais eu trop de trucs de « Ah, t'es une fille, tu vas pas faire telle ou telle chose. » Donc voilà, mais c'est vrai que dans les faits, ouais. Parce que moi, j'ai eu des stagiaires plus âgés, par exemple, qui avaient des vrais blocages sur la technique parce qu'il y avait eu des traumas avant, des mauvaises phrases, de mauvais garçons, par exemple, et qui, du coup, avaient quelque chose à soit un peu à venger, soit à rattraper, en tout cas. Toi, t'as pas... Pas vraiment, non. Ouais. Okay. J'ai pas trop pensé à ça, quoi. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Alors, moi, ce que je leur ai dit, c'est que si elles voulaient mixer, il fallait qu'elles connaissent bien leur matériel et qu'elles soient capables de le brancher toutes seules. Parce que c'est des choses qui nous arrivent de manière récurrente, où on vient t'expliquer ce que c'est qu'un XLR, voire même parfois t'expliquer quels sont les potards sur ta table de mixage. Ça arrive encore fréquemment. Donc, pour avoir cette légitimité-là aussi, parce qu'on nous attend toujours au tournant à un moment ou à un autre, c'est bien connaître son matos et de savoir le brancher et détecter à un moment s'il y a une problématique, arriver aussi à connaître quelles peuvent être les problématiques techniques sur nos propres matos. Voilà, c'est important. D'ailleurs, tu peux parler en tant que technicienne studio du jour, Myria. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais oui, je voulais juste réagir sur ce qu'elle a dit, que c'est ça qui est dommage. Après, bon, c'est le principe du féminisme, c'est que, du coup, nous, les femmes, on est un peu, du coup, toujours obligées d'être au top, d'être vraiment au top sur son matériel, sur tel truc, pour être sûre de ne pas avoir des réflexions, quelqu'un qui a un ego surdimensionné qui viendrait nous parler. Et du coup, c'est dommage qu'on puisse pas juste vivre sans réfléchir, quoi. Voilà. Voilà. On peut s'arrêter là-dessus et passer au mix, j'ai l'impression. Allez, non, je crois que c'était pas mal. Je trouve ça une belle punchline. Ouais, grave. Allez, on se met un petit jingle et on retrouve BDL en mix tout de suite sur le 895. Vie sauvage, impénitente, radio, duo. Radio Duo, 89.5 FM. Et je vous rappelle quand même simplement les lives du jour sur Duo à 21h, puisque c'est une journée un petit peu thématique. On retrouvera un live enregistré ici même dans ce studio, un live de Pamplemousse, spécial dédicace à la charbonnerie qui, je le rappelle, officie sur cette antenne le vendredi à 17h. Pamplemousse pour une espèce de vocal basse musique en duo qui sera un live très rare enregistré en 2023. Et ce jeudi 27, je pensais même pas que c'était si cohérent, mais ça tombe bien parce qu'on en a parlé tout à l'heure. heures. À 16h, vous pourrez entendre Radical Junkie Pop, la rappeuse de bitume stéphanois, un concert enregistré en 2021 au fil lors de cette crise sanitaire où il n'y avait que des concerts sans public, qui a été diffusé aussi une seule fois. Je vous laisse tout de suite avec BDL en live pour trois quarts d'heure de set sur le 89.5 de Dio. Bella, ciao, il partigiano, portami via. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. Chi mi sento di voi? Mattia, mi son svegliato e ho trovato un invaso. kiye wango Avule di boumanoume Kosiye kolo ole la matakala Le fatsili tout Ekile tout sa Nta kiye wango Oyo yo nta kiye Come on, don't look past me. change my life. I'll say it again. I get down. Get down. Bella, beg for the bella, bring on the bella. Bang Lloyd Bella, Bang Winter Bella, Bang Fondo Bella, Bang Omni Bella.

champion, champion. Born for this, die for this. I'm a gangara, champion. Born for this, die for this. Champion, champion. Born for this, die for this. I'm a gangara, champion. Born for this, die for this. lives of indigenous rape. A bittersweet bitterness, a feeling innate. The soul of a people past, present, and fate. Our stories cannot be checked into boxes. They are in the forgotten, the undocumented, the passed down spoonfuls of arroz con dulce at abuela's knee. They're the way our hips skip to the beat of cumbia, merengue, y salsa. They're in the bending and blending of backbones. We are deformed and reformed beings. It's in the sway of our song, the landscapes of our skirts, the azúcar beneath our tongues. We are the unforeseen children. We're not a cultural wedlock. Hair too kinky for Spain and too wavy for dreadlocks. So our palms tell the cuentos of many tierras. Read our lifeline, birth of intertwined moonbeams and starshine. We are every ocean cross. North Star navigates our waters. Our bodies have been bridges. We are the sons and daughters. El destino de mi gente. Black, brown, beautiful. Viviremos para siempre. Afro-Latinos hasta la muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Trois lettres à retenir sur le 895 de DIO, c'est BDL. BDL à l'instant sur le 895 de Radio Dio. Et Val, en âge, quoi. Ouais, grave. Merci pour ce set, ça a été pour toi ? Ça a été super, c'est un exercice. Hein. Ouais, c'est différent. La radio, hein. Ouais, c'est un exercice. T'as imaginé les gens qui dansent ou... En fait, je dois te dire que je me suis concentrée pour avoir des enchaînements qui n'étaient pas trop brutaux et qui étaient plutôt entendables dans une radio et au casque. Plus perfectionniste, du coup. Ouais, ouais. C'est ça. Eh oui, écoute, merci. Moi, j'ai quand même utilisé une appli pour trouver deux ou trois tracks qui étaient vraiment super. Merci okay. À toi. Bah, je t'en prie. Plaisir. C'est le moment de communiquer un petit peu sur ta carrière artistique et autres, me semble-t-il. Tu avais plusieurs annonces à partager ouais, c'est ça. Avec les auditoristes. Ouais, carrément. Alors, je vais faire mon petit instant réclame promo sur Radio Dio. Alors, tout d'abord, sur... les événements qui sont co-organisés ou dans lesquels Giddy Up sera présent. Donc tout d'abord, on a le 28 juin aux côtés d'Éphémère dans les espaces de prévention. Éphémère qui est une structure de réduction des risques sur le territoire, qui est un vrai partenaire, en tout cas sur les gros festivals avec qui on travaille beaucoup. Que vous avez pu entendre d'ailleurs cette semaine sur le 895 dans des mots des sons. Voilà, c'est ça. Ensuite, on participe à la co-organisation avec l'Amicale Laïque du Crédroc et l'association Les Rigoles à un festival qui a lieu le 5 et 6 juillet rue Néron, qui a pour objectif de s'emparer de cette friche rue Néron et d'amener des spectacles jeunes publics, des concerts aux habitants de cette rue. Voilà, donc le 5 et 6 juillet. Et puis on a nos événements inclusifs, un de nos événements inclusifs qui sera le 12 juillet au Guinguette, une Giddy's Way, avec une petite programmation que je ne vous dévoilerai pas tout de suite parce qu'elle n'est pas encore complètement finalisée, mais en tout cas il y a de très belles surprises et des artistes incroyables, et puis des stands, des partenaires, voilà, on va beaucoup s'amuser parce que c'est ça aussi Giddy's Way, c'est être ensemble et partager ces moments de fête. Et puis après, ben, perso... Tu as le droit. Hein. Ouais, allez, vas-y, j'y vais sur le perso. 4 juillet, warm-up du Forestival à Montbrison, chez les copains de la brasserie Bim. Le 12 juillet, au Guinguette. Et ben, le 28 juillet, vous me retrouverez... Plage Jean Jaurès. Ouais, c'est ça, Plage Jean Jaurès. Voilà, instant promo, fini, merci. Merci à toi d'être venu. C'était BDL, donc sur 895. Un grand merci pour l'invitation, vraiment, c'était un grand plaisir. Avec grand plaisir. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM. Et moi aussi, je vais faire un petit agenda communicant, vite fait. Agenda pêle-mêle en cette... j'ai du mal à dire été chargé, mais bon, en cet été chargé quand même. Et je vais faire un agenda anti-chronologique, histoire d'être tout à fait lisible et clair. Je vais commencer par le samedi 29 juin et faire un petit peu de promo à Radio Dio himself, en l'occurrence La France Pue, concert de punk rock bien nerveux avec Night Feeder, Bombardement et Airy Song. C'est du côté de la Gueule Noire, 16 rue du Mont, que ça se passe, entre 5 et 8 boules. Le vendredi, toujours à la Gueule Noire, le 29 juin à 20h, une soirée de soutien à la caisse de grève des travailleurs et travailleuses précaires de l'éducation. Au programme, il y aura Malakia et son Rebetico plus que Rebeticar, avec Soucoupe Critique, J'ai quitté le groupe, Script Zone et DJ Ibn Al-Haram, toujours 16 rue du Mont, en soutien donc pour la bonne cause. Et pour le jeudi 27 juin, j'ai quand même deux choses à annoncer. À 20h, un rassemblement qui sera à Place Jacquard, rassemblement en hommage à Naël qui avait été tué par la police le 27 juin 2023 à Nanterre. Rassemblement donc qui, de toute façon, en ces temps, est toujours bienvenue. Ne soyons pas seuls face à la solitude et à la noirceur qui nous entoure. Et d'ailleurs, pour ne pas être seul, eh bien, il y a une autre possibilité qui peut d'ailleurs se faire un petit peu juste après. Ce sera du côté du Fil, cette fois dans le cadre du festival des Sept Collines. Le concert du festival sera donc à 20h30 le 27 juin. Il y aura Chantel, en compagnie de la Bukovina Club Orchestra, un mélange de beats, musique électro diverse et de musique traditionnelle à travers le monde. Et le groupe colombien, la Sonora Mazuren, que je vais vous proposer tout de suite en écoute. Il y a des places à gagner pour ce concert si vous nous appelez au 04 77 438 895. 438 895, laissez bien un message si nous ne sommes pas en direct. Vous pouvez aussi communiquer à contact@radiodio.org. Laissez bien vos coordonnées, s'il vous plaît. Donc pour le 27 juin, la Sonora Mazuren, Chantel et Bukovina Club Orchestra. Je vous souhaite tout de suite de kiffer ce morceau, la parka de la Sonora Mazuren. Et puis voilà, moi je vous dis au revoir. Excellente continuation d'après-midi. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. alucinación. Esto fuera eterno, nadie vivirá después de este.